Alamen furucu, alamen algun bezgulu, alamuz vecu, oh yeah. Abaraz vey alamuz vecu, oh yeah. Buz buz vecu, oh yeah. Buz buz vecu, oh yeah. Buz vecu, oh yeah. Buz vecu, oh yeah. Buz vecu, oh yeah. Quelle ouverture, oh mon dieu. Hey, ça, on l'a vu, le Elvis, là, dans notre tête. Ben là, ça dépend, là, comment tu peux comprendre et visualiser ton Elvis. Moi, ça me semblait un peu un fantôme diaboliquement décomposé dans une sorte d'imitation un peu floue d'Elvis Presley. Parce que là, pendant 2 semaines, on met en lumière une photographe. Une photographe? Ben oui, une photographe. Normalement, là, lorsque tu prends des clichés. Ah, ben là, la société est remplie de clichés, hein. Ticu Baudouin, hier, il voulait prendre sa belle femme Martha. Oh, oh, oh, pas la belle. Oh, la belle Martha. Oh, C'est un trésor. Hein. Oh, mais il aurait dû jamais la trouver. Comme... Pardon? Ben, pour un trésor aussi exceptionnel, il aurait jamais voulu la trouver. Il aurait jamais dû la trouver? Ah, ben non, oui. Là, à chaque fois que tu ouvres la porte, bah! C'est plus un trésor, ça, là, c'est un cauchemar. Oh! OK. Ah, alors qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est un cliché, donc, qu'il voulait hier prendre des clichés de son, de sa douce aimée, là, pendant que tout est monté, hein, rien n'est encore à la descente. Mais un jour, il veut prendre, à chaque moment important de sa vie de couple, 2-3 photos. Oh! Un flash, là. Oh! Un moment du temps présent. Oh! Et puis, ben c'est ça là. Donc, il a demandé à sa douce aimée, oh pas son halluciné, de prendre des poses invitantes. Ah, oh, ben pourtant on m'a pas invité. Non, on voulait pas t'inviter. On voulait que ce soit quelque chose qui attire l'œil. Ah bon, avec Bertha, c'est il y a pas grand chose qui attire ça là. Ben le regard. Ah ben ça c'est vrai. On se plante devant le photogramme et on se dit, voyons donc, il me semble que c'est monstrueux, ça. Mais non, hey, c'est sa femme, toi, un peu de respect. Ben là, faut dire les vraies choses. Là. Puis les photographes, quelquefois, sont obligés de prendre des individus, hommes, femmes, enfants, monstres, artistes, et puis tout autre à qui il y a des bites. Les ébis, oh, les ébis. Et la photographe ou le photographe a quelque chose d'assez exceptionnel à donner au portrait tiré, c'est-à-dire quelque chose d'esthétisme. Quand tu sais pas si c'est isme, ist, tu dis esthétisme. Les gens comprendront ce qu'ils veulent bien et termineront avec ce qu'ils voudront bien amener comme nouvelle terminaison. Ben oui, mais là, sinon, ça fait quelqu'un qui manipule pas. Qui manipule pas la photographie. Non, la narration, voyons donc, tu dis pas comme esthétiste. Tu dis esthétique ou tu dis esthétisme. Et là, toi, tu commences à me jouer sur le gros nerf flottant. Et quand ça flotte, moi, là, règle générale, ça se saborde. Oh, mon doux, de 1000 sabordes de 3 bourdons. Oh, monsieur. 1000 sabordes de 3 bourdons, de 3 prolétaires et de 2 bourgeois, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment ça va? Oh, moi, ça va tellement bien que je suis dans un heureux mélange. Oh, de photographie et de souvenirs. Non. Oh non, je vais pas souvenir encore. Une vieille maison qui dit bonjour à tous ces fanfarons. Adieu Québec d'antan, je veux plus avoir la nausée, donc je ne me retourne pas vers le passé. J'ai encore un souvenir. Je me dis qu'il était beau l'avenir. Vous n'avez jamais voulu ouvrir, vous vous retrouvez ici. Moi, je veux rester un peu dans mes pensées. Allô, les clichés. C'est cliché de dire ça, mais prendre une belle photo, c'est pas si facile. Et là, on a la photographe pendant 2 semaines, là. Prenez des notes. Madame Tremblay, allez chercher un papier, un crayon, même plus que ça, un livre de pages blanches et prenez tout ce qu'elle va vous mentionner comme une sorte de manuel. Oh, pas, elle s'appelle pas Emmanuel, non. Non, mais c'est tout comme, elle s'appelle Marionne. Oh, Marionne! C'est la chanson de Robert Charlebois, Marionne. Marionne, c'est fini. Non, c'est pas Marionne, celle-là, là. Il n'y a pas une chanson de Robert Charlebois avec Marionne, toi, là, là? Ben non, mais c'est... Est-ce que c'est Marianne? Non, c'est Marionne. Oh! Il y a un joueur de hockey qui s'appelle Marion Stachny. Oui, mais c'est pas une Stachny. Mais quoique... Oh! On vient de former un couple, là. Elle s'est pas fiancée avec un joueur de hockey. Marionne, jamais. Là, elle cherche un animateur de radio. Oh! Français? Oh, francophone. Oh, monsieur! Et puis... Oh. Elle cherche. Oh, elle prend des photos sur les coins les plus inusités, les plus sombres, les plus urbains. Prend des photos. Pour un jour arriver devant cette révélation. Oh! Un jour, mon prince viendra. Ça, c'est pas Marianne, ça, c'est Rénal qui tente de monter la bémol, mais un peu trop durement. Oh, la bémol dure! Ah, j'ai la bémol dure, moi. Vous, Madame Tremblay, ben oui, je l'avais passablement molle. Oh, la bémol molle. La bémol molle. Et ça, c'est bon, ça. Parce que vous avez les cordes vocales, mou, molle, mi, mou, mami, mamu, mi, ma, mou. Hein? Une corde vocale molle. J'avais la corde vocale molle, mou, ma, mi. Ma, me, mi, mon, mu, pa, pe, pi, po, pu, fa, fe, fi, fo, fu, ka, ke, ki, ko, cu, la, le, li, lou, lu. Alors aujourd'hui, et ce pendant 2 semaines, ouvrons le livre, le magazine Rock'n'Folk. Et qui? Rock'n'Folk. Rock'n'Folk, rock'n'ting. King King Kong Kong, in ouvrir le king et tout comprendre à l'intérieur. Magazine en rock and roll. Avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Pour les nouveaux, légers, faut que vous sachiez que pendant le monologue, c'est un personnage qui parle et pas moi. Un personnage. On s'entend là-dessus? Bon, à la fin de cette phrase-ci, je vais devenir le personnage et moi, je vous reverrai pour les saluts. Je vous souhaite une excellente soirée. Amusez-vous. Et s'il y en a qui ont des problèmes de cœur, fermez les yeux quelques secondes parce que la transformation entre moi-même et le personnage, des fois, c'est un peu impressionnant. Pour ceux qui connaissent le théâtre, j'utilise la méthode Stanislavski. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent il y a 2 ans? Oups, me revenez moi-même, attends. Si jamais ils vous le redemandent. Dites oui, ça va aider pour le reste. Bon. Je crois que les gens n'aiment pas le son. Même le son de leur propre voix, ils ne l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus... Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire m'intéresse. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, qu'ils partent avec moi. On est ailleurs, on oublie tout. Et on nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait, c'est de la survie le rire. La musique. Et les amis, et rigoler, rigoler, quand on peut, il faut rigoler, il faut rire. Je vous embrasse. Il faut rire de tout ce qui est important pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires. Un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. Un tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Monsieur le président. Oh, monsieur, il y a un civil, madame, monsieur, il faut du caca au traîneur. Il ne peut pas pour un policier. Il n'est pas capable de se faire ça. Il n'est pas capable. Il n'y a plus de souffle. Il est malade. Il faut mourir. C'est la fin! Monsieur le Président. Messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Je vais vous dire que je me sens un petit peu comme Claude Léveillé, feu Claude Léveillé, qui disait à la fin de ses chansons, avant qu'il soit très malade, au lieu de commencer... lorsqu'il faisait Frédéric. La première phrase, c'est « Je me fous du monde entier ». Et à la fin, il disait « Je me fourre du monde entier ». Ça ressemble un peu à ça. Ben écoutez, dans mon générique, là, bienvenue à l'émission de variété indépendante. C'est où, là? Catholique, mesdames les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante. Vous direz, je suis plus capable de dire « indépendante ». Il faut que je dise « indépendante ». Et là, ça me fait pas plaisir. Là. Parce que toutes les personnes qui prennent des notes pour mes perversions... Oh non, pauvre Madame Tremblay, Madame Tremblay. Oh, moi, je sais même plus comment ça s'écrit, ces mots-là. Oh! J'ai même plus assez de mine dans le crayon. Oh! J'ai même plus de place assise sur ma feuille vierge. Oh! Je sais même plus comment faire. Bon, d'accord, ça tombe bien. Alors, bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission? Si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Attendez-vous, le vent par en arrière. Mais là, j'entends rien en avant, rien en arrière. Rien par-dessous, rien par-dessus, tu le pain, puis... Non, mais attends, il n'y a pas de vent, il y a un vent d'encouragement. Bravo, tu vas réussir, c'est ta meilleure émission, bravo. Meilleure émission. Ça, c'est ce que nous tentons d'arriver, de tendre vers depuis... Beaucoup de verre. Ah, bon, deux glaces, pas de verre, s'il vous plaît. Deux glaces, pas de verre, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Oh. Je veux jouer à la banquise. À la banquise? Oui, monsieur. Je veux laisser choir ces petites structures glacées sur une plateforme afin de les voir, bien sûr, c'est au pluriel, de les voir se réchauffer, pour ne pas dire fondre, à travers mon regard, qui lentement devient hagard et qui se demande pourquoi. Pourquoi pas? Oh, c'est une bonne question. Pourquoi pas, madame? On va en verser une. Mais on va en verser une. On va attendre que la glace, elle, en dégouline une petite dose. Oh! Et nous tenterons de décanter lorsqu'elle sera plus présente. Lorsqu'il ne restera qu'une flaque sans Gérardet. À quoi bon? Oh, c'est un jeu de mots. Ça demande de la culture. Pour tous les gens qui nous écoutent en dehors de la francophonie québécoise, là, Gérardet la flaque, ça leur dit pas grand-chose. Oh! Devons-nous leur expliquer? Ben, c'est une marionnette qui amène l'actualité avec beaucoup de cynisme et d'humour noir, grinchant et intéressant. Un peu comme les guignols, tous les Guy et les Guylaines et les Ghislaines et les Guillaumes. Oh! Guillaume, à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? Librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne. Oh! Femme, femme, on est pas voyous. Femme, on n'est pas voyous. Femme, choisis ton endroit, nous on ne s'y connaît non, pas. On se fait confiance. Femme, on est que deux amis. Oh, attention! Femme, qui se paye un samedi. Oh. Femme, fais-nous in the room. Roupla. Il n'y a pas fini, Serge. Oh, c'est... Femme, il finit jamais, non. Soir. Oh, femme, champagne oui, caviar. Femme, ce soir, c'est férié. On n'a pas regardé à la dépense. Attendez, il me reste 2$ et en euros, 1 euro, J'ai un nœud dans mon étable, 3 petites bricoles et un morceau de bois que je gosse, que je gosse, que je marche, avec qui je... Non, je marche pas avec ça, moi, là. Sur qui je roule, c'est l'ipi, toun. Oh, femme, fais-nous le confetti, à casar et tutti quanti. Femme, fais-nous in the room, du prospère, L'absurde aventure de l'errance rénaldienne, c'est merveilleux, hein? On voit les paillasses et les fantasmes et tous les godasses qui arrivent vers moi et sur lesquels j'essaie de feinter pour ne pas en recevoir une sur la gueule. Femme, fais-nous Marengo, Luna Park et Monte-Carlo. Monte-Carlo. Femme, fais-nous Jean Zizi au casino de Paris. Je suis allé au Casino de Paris, cette année en 2011, en juillet, pour aller voir un pseudo-humoriste au Javel de Blues. Au Javel de Blues, comme t'es ben blues. 20 minutes de drôlerie. 1h35 de grand sommeil, un sommeil profond. J'allais dire un sommeil malade comme Grand Corps, mais il est loin d'être malade, ce Grand Corps, tandis que le Jamel de blues cherchait sa blouse. Ah oui, attends, madame, monsieur. On peut pas l'arrêter, hein? Non. Zoupla, boum! Pour venir, j'étais au Casino de Paris. Est-ce que je l'ai mentionné tout à l'heure avec Jamel de blues? Ah, oh, mon Dieu, j'avais la blues tout à fait dépareillée. Je me suis dit, c'est ma place, le Casino de Paris, mais pas devant un pseudo-spectacle d'humoriste. Et puis, ce que vous saviez pas, et c'est la vérité, le spectacle a été enregistré pour sortir en DVD. Pas en DVD, en DVD. Vous allez me voir la gueule, puisque j'étais dans la deuxième rangée. En avant, il y avait un môme, un petit garçon, un garçonnet, un petit, tellement petit que jamais elle a dit, oui, il est le petit, il est tellement petit, que le siège s'était renversé sur le petit, puis, un coup de siège sur le nez, ah, puis là, le petit, il riait pas, là. Il pleurait pas non plus, là, mais il cherchait jamais, parce que là, il y avait sa réplique à dire, là, ah, j'ai 12 ans et je suis, là. Puis là, il savait pas sa réplique parce que le dessus de la chaise, il avait reçu en pleine face. Là, j'ai dit, moi, qui est dans le milieu artistique, je vais aller aider ce môme. Alors, je me tourne vers la première rangée, j'étais dans deuxième, donc j'avais juste le bras à m'amener vers pour retirer le siège afin que Jamel le way. Jamel le way. Est-ce qu'il l'a eu? Il l'a vu. Puis là, il a dit, ah, c'est toi, petit môme, hein, 5 ans, blablabla. Et puis là, il a dit sa réplique. Et je serai dans ce merveilleux DVD. Achetez-le pas, ça vaut pas la peine. Ah, j'étais pas à mon meilleur profil. Ah, monsieur. Le spectacle a commencé un peu en retard. Donc, je suis allé au water closet, me vider la larme, parce que je me préparais à rire, moi, là. Fait que j'ai dit, je vais pas trop m'humecter le visage, là, histoire de... Alors, après ça, ben, comme c'était remis, plus tard, je m'en vais au bar. Commande 2 Jamel, 2 doubles Jamel, et là, je m'envoyais 2 Jamel derrière la cravate. Oh, sainte! Et là, j'envoyais 18 Jamel. Là, il y a eu la lumière. Là. Ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting. Ça faisait de la musique, ces lumières-là. C'est rare que la musique fait de la lumière, hein? La lumière fait de la musique. Mais moi, c'est dans mon cas, c'était ça. Et puis donc, il y a eu un son qui est « Rentrez dans les salles, rentrez dans la salle, rentrez sa salle, rentrez mes salles. » Puis là, mes salles, messieurs, mesdemoiselles et mesdames. Femme, on n'est pas voyous. Femme, choisis ton endroit, nous on s'y connaît pas, on fait confiance. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs. Et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénald Gagné. Qui télécharge mes émissions? Parce que mes émissions sont téléchargeables. Pas vrai! C'est la vérité. La vérité même. Plus même que ça, là. Ah, c'est mêlé. Plus mêlé que ça, t'es mêlé. Tu tournes en rond, tu cherches ton chemin, tu trouves la solution, puis tu t'en vas au point final. Oh! Puis plus il y a de points de finale, plus tu sens les 3 de suspension. Et là, tu as peur de, ben oui, de te faire suspendre par les 3 points. Combien de personnes sont mortes dues aux 3 points? Pas grâce, mais dues aux 3 points. Ah, sur la gueule, sur le menton et sur le front. Et Femme, on est que 2 amis. Femme, qui se baigne un samedi. Femme, fais-nous in the room du propre youpla, boum. Hein? C'est ça? Qui télécharge mes émissions? Il y a Mme Tremblay, M. Simoneau. Beaucoup de personnes. Alors, c'est facile, vous allez sur mon site internet, d'Errance Rénaldienne, vous rentrez gargoule.fr, là, moteur de recherche n'importe lequel, le plus bizarroïde qui soit, et vous allez trouver rapidement Errance Rénaldienne. Vous tapotez Errance, espace Rénaldienne, et le premier Errance, c'est moi. Alors, aujourd'hui, le vendredi 5 août 2011, les Errances Rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Voyons. Ça va bien, monsieur? Ça va très bien, vous? Doublement de personnalité? Non, dédoublement de la bouche. Monsieur, ça, est-ce que ça peut revenir? Ça reviendra. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est un dédoublement de la bouche. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est un dédoublement de la bouche. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est... Bam, bam, bam, bam, fais-nous rendre du soir. J'avais manqué, ça. Bam, bam, bam, c'est Serge qui a manqué la haut. Première marche, deuxième doigt. Regardez à la dépense. Femme, femme, femme, fais-nous le confetti. Alcazar est tout du monde. Femme, femme, femme, fais-nous in the room. Nous ferions la coupe la bourre. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et aussi boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de la photographe Marion Rundzienskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinskinsk Rundzienski. Excuse-moi, Marianne, aide-moi. Aide-moi, Marianne. Redis-le, je vais le redire. Marianne Rundzienski. En plein ça. Alors, Marianne, il faut que je leur dise encore, monsieur, je vous salue, Mary. Marianne Rundzienski vit le jour à Sèvres le 5 octobre 1976. Aujourd'hui, elle habite à Paris avec son chat pirate. Je sais pas si c'est associé avec cœur de pirate, là. Tu sais, pirate, cœur de pirate. Là. Est-ce qu'il y a un œil? Il va avoir un œil blanc puis un œil noir. Ou un œil noir ou un œil blanc. Puis ce chat-là doit aimer les femmes. Oh, femme, femme, femme, fais-nous Marago, Luna Park et Monte Carlo. Femme, femme, femme, fais-nous Jean Sisi au casino de Paris. Quand elle danse. Son chat a déjà lui aussi visité le casino de Paris. C'était pendant le spectacle de Serge Glama. Et à la toute fin, lorsqu'il termine avec son grand succès, là, je ne suis qu'une maladie honteuse. T'entends, je ne suis que maladie honteuse. Et là, les gens applaudissent, s'en vont, tirent des condoms, c'est merveilleux. Alors, Paris avec son chat pirate. Elle possède une maîtrise de photos à Epilen. Et monsieur, à Epilen. Quel succès. Alors, donc, alias Paris, à 2 ans, à London College of Printing, où elle fit, c'est mal écrit, en plus, c'est... qui numait les pubs. Elle photographia pour le magazine Addict, puis chez Roxanne, et depuis 2004, elle se consacre au magazine Rock and Folk. Elle tira le portrait de ses chers hommes et femmes politiques, comme quoi elle tape large. Aïe donc, elle tape large. Ah, elle donne une claque, là, puis c'était tout le visage qui est en gobe. Tu vois une belle marque de... Ah, c'est merveilleux. Là, tu gardes ça en souvenir. Tu te fais scanner le visage et tu vends ça sur eBay. Tu dis que c'est Marianne qui t'a donné cette claque-là, ça prend de la valeur. Hein? Ben oui, parce qu'il y a les empreintes digitales. Pour les gens qui croient pas là puis qui veulent avoir des preuves, disent, hey, regardez, faites évaluer avec les empreintes digitales, là, c'est Marianne. Les empreintes, ça c'est le pouce de Marianne, ça c'est l'index de Marianne, et ça c'est le pouce, l'index, le majeur de Marianne. Ah, c'est le majeur, surtout le majeur à côté de la joue. Là. Ah, c'est imprégné, hein, voyez-vous, c'est beau, hein. Ah. Tirez-moi le portrait, ben oui. Et puis donc, elle arrive rapidement à improviser une session de photographie en 5 minutes dans des conditions hostiles, c'est-à-dire minuit. Minuit et quart aussi, maximum minuit et demi. Scène extérieure, groupe tout bourré. Ça, c'est tout bourré, tout rassemblé, là, un peu comme un banc de poissons, je l'ai dit la semaine dernière. Elle se dit une pro de Photoshop. À son actif, elle compte Iggy Pop, AC/DC, Tina Turner, Madonna, Iron Maiden lors de sa tournée au Brésil. Puis elle va nous en parler la semaine prochaine de sa tournée au Brésil. PG Harvey, la belle PG Harvey. PG Harvey. Je vais lui demander si elle a parlé de moi. PG Harvey. Marianne, est-ce que PG Harvey a comme bifurqué vers mon prénom? T'as-tu entendu Reynolds? Ben, voyons, Pardon? Bon, OK, d'accord, merci, Marianne. Ce soir, qu'est-ce que j'ai dit, donc, vous voulez savoir le reste? YouTube, de police, de pompiers, de qui, non? Et de gendarmette, la scène rock parisienne au grand complet, de Five Furnace of Montreal, hein, ouais? Ah ouais. Evie Trash et beaucoup d'autres qui seront bien contrariés de ne pas se voir cités ici. Ce soir, à Errance Renadienne, elle vient flasher pour nous dans l'intimité et les confidences qui font les grands artistes. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous envoûter? Oui. Alors, place à l'émotion, place aux mots, place au lyrisme renadien. Bref, place à l'envoûtement. Et c'est au suivant, elle vient tout juste de partir et c'est toi qui... Ouais, non, mais je suis arrivée depuis un moment, en fait. J'ai pris un café juste là. Au verre, au truc non, vert? Non, juste okay, okay. À côté. Ah, tu zonais, ouais, tu nous voyais. Ah, oui! Comment ça va? Ben, ça va bien, merci. Excellent. Ben, bienvenue à mon émission. Ben, feu, ça me dérange pas. Oui, oui. On est en plein air, donc... Beaucoup de travail ces temps-ci? Un peu, ouais. Ça t'a... L'été pour toi, c'est un moment charnière, un moment où... C'est assez chargé l'été, généralement, ouais. Okay. Avec tous les festivals. Mais est-ce que tu les suis ou si c'est eux qui viennent à toi? Non, c'est moi qui vais au festival. OK, ah ben oui, c'est... Non, il n'y a pas encore de festival dans mon salon. Non, mais il y a des festivals à Paris? Oui, il y a Rock en Seine. Après... Ben, y a plein, comme là, oui. À La Défense, y a des spectacles jusqu'à la semaine prochaine. Ouais, ouais, aussi, mais voilà. Pardon? Je disais, voilà. OK, alors donc, toi, tu te promènes un peu partout. Oui. Mais t'as une formation en t'es photographe à l'origine, t'as une formation. Oui. t'as travaillé avec plusieurs avant de te joindre au grand magazine Rock'n'Folk. Alors, avant de travailler pour Rock'n'Folk, j'ai d'abord travaillé au sein de l'agence de presse Corbis, oui. Mais pas en tant que photographe, j'étais au desk numérique, quoi. Je scannais les photos d'autres photographes, je les envoyais aux clients, je les mettais sur la base de données, voilà. Ça a duré 2 ans. Après, en tant que photographe, j'ai commencé avec le magazine Addict, qui malheureusement n'a pas duré très longtemps. Après, j'ai fait travailler... Mais il faut dire qu'il y a tellement de revues que... Oui, aussi. Et puis, ça a commencé aussi à aller mal pour la presse. Donc, à cause d'Internet. À cause d'Internet, oui. Et après, donc, j'ai travaillé depuis... à partir de 2003, j'ai travaillé pour Rocksound. Et puis, au bout de 2 fois que je suis allée voir Rock'n'Folk, ils m'ont prise. Et t'es arrivée avec ton portfolio. Ouais, voilà, avec un portfolio sur CD et un petit diaporama en PDF. Et puis, la première fois, ils étaient déjà OK, mais la chef des infos, elle n'était pas dispo pour me caler un concert. Donc, ils m'ont dit, rappelle-nous, reviens nous voir. Et puis, comme j'ai commencé à travailler pour Rocksound, j'y suis pas retournée. Après, Rocksound a changé d'éditeur, donc du coup, je me suis dit, c'est le moment de retourner voir Rock'n'Folk. Ah, t'as pas lâché, hein? Ah non, j'ai pas lâché. C'est un gros magazine. C'est le plus gros en France, en fait, et le plus vieux, surtout. C'est le côté prestigieux. Ouais, voilà. OK. Tout à fait. Et en 2003, quand je suis allée les voir, c'était en décembre. Et direct, ils m'ont booké un concert pour février 2004. Qui ? Rock'n'Folk. Non, mais quel spectacle ? Ah, c'était... comment s'appelle ce groupe ? Le groupe de la chanteuse Brody Dell. The Distillers. Distillers, ah oui, OK. Voilà. Ouais. Et puis après, j'ai plus jamais arrêté de travailler pour eux. We'll be right back. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Pour celle qui court après le train en marche, « Oh, ben, ça arrive souvent !» et qui n'ont absolument rien compris. Comment? Absolument rien compris. « Oh, à mon propos. » À quel propos? À mon propre propos. Ouais, mais t'es pas très propre, ça c'est vrai. Je suis pas. Regardez-moi le cheveu, il glisse de partout. Oh, non, c'est de partout. Il glisse de partout. Alors là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Avez-vous compris? Ah, j'ai très bien saisi. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Il va répéter une autre fois. C'est un cinglé. Laissons-lui. Pardon? C'est un cinglé. Oh! Merci d'avoir pris le micro. Ça me fait tellement plaisir, M. Grenier. Est-ce que je peux dire à tous mes collègues de bingo de la caserne 53 que oui, il y aura un grand concours des quatre coins la semaine prochaine à 12h30, mardi à 12h30. Donc, si toutes les femmes et les hommes et les autres veulent se joindre à nous, c'est 5$ le prix d'entrée. Il y aura, bien sûr, de la croustille et des petits biscuits, sans oublier le sucre à la crème. Oh! Fabriqué, j'allais dire préfabriqué. Fabriqué par les sœurs grises de Valleyfield. Oh! De Valleyfield à Québec, quand même, le sucre sera granuleux. Mais ils vont placer un voile dessus et il sera béni en montant vers Québec. On monte dessus de Valleyfield à Québec, on monte ou on descend? Et là, je ne sais pas, on va demander. Ouais. Monsieur Thibodeau? Ouais. Vous êtes... Ouais. Oui, attends, mais monsieur, pas de bonne main, monsieur Thibodeau, là. Est-ce qu'on vous dérange? Ouais. OK. Là, nous avons reçu un message. On va commencer l'improvisation tout à l'heure, là, mais vous allez partir de Valleyfield. Ouais. OK, Valleyfield, là, c'est quand même assez loin, là. Ouais. Avec du sucre à la crème. Ouais. OK, mais le sucre à la crème sera fait par les religieuses et couvert d'un voile. C'est ce qui était indiqué, là. C'est ce que Madame moi-même nous a dit. Ouais. OK. Alors donc, est-ce qu'on descend ou on monte à Québec si on part de Valleyfield? On monte? Ouais. Mais on peut dire aussi qu'on descend. Ouais. Alors on monte ou on descend? Les deux se disent? Ouais. Allez-vous manger le sucre? Parce que ça m'intéresse. Moi, je peux pas conduire parce que j'ai pas les facultés, là. J'ai pas les fins. Hein, parce que ça va tout droit, puis il y a des pédales, puis il y a un volant, puis il y a quelque chose en métal, puis il y a des portes, puis il y a un coffre, puis il y a un moteur. Puis moi, ça m'énerve, tout ça. Je suis pas capable de contrôler tout ça. Là. Même la voiture, je suis sûr que ça se tient pas. Hein. Tu dois tout retenir ça avec tes bras, pis tes jambes. Pis tu peux pas rouler comme ça en disant « tout se tient ». C'est impossible. Il n'y a pas de vis là-dessus. Je ne sais pas ce qui se passe, là, mais la voiture roule, mais c'est grâce au chauffeur qui resserre tout ça là, en même temps qu'il roule. Fait que moi, je suis pas les pierres à feu. Je fonctionne pas avec les pieds pour partir puis freiner avec les pieds. Donc, du côté motricité, je suis assez limité. C'est comme mon cerveau, monsieur. Ouais. Bon, comment? Vous m'écoutez souvent, vous? Ouais. Trouvez-vous que c'est une émission assez limitée? Ouais. OK. Ben, merci, vous êtes bien gentil. Alors, vous, là, parce que moi, je peux pas conduire, dû que j'ai pas toutes les facultés présentes dans mon cerveau. Quoique, mon petit poids, Madame Tremblay, mon petit poids, ben, moi, je m'avance pas là-dessus. Vous voulez, OK. Vous osez pas. Je n'ose pas. Je ne veux pas vous faire de mal. Ben, ça me fera pas de mal. Dites-moi la vérité. Oh. La vérité est pas bonne à lire. Elle est pas bonne à lire? Ni à dire, ni à redire, ni à parler, ni à dévoiler, ni à dire. OK, bon. Alors donc, je voulais pas dire alors donc souvent là, à mon émission aujourd'hui, cette semaine. J'ai passé la dose d'alors donc. C'est comme premièrement, mais je l'ai pas trop dit premièrement non plus. Hein? Alors donc, peut-être plus. Peu importe. Peu importe si j'en mange. Oui, c'est ça. Moi, étant chauffeur, je ne pourrais pas ne pas goûter à ces merveilleux sucres à la crème faits par les religieuses. Fait que là, tu sais, de Valleyfield à Québec, je mangerais presque tout. J'arriverais ici à Québec avec peut-être une moitié des graines de sucre à la crème. Même voilé, ça paraît pas. Mais là, tu enlèves tout ça devant les gens. Là, il en reste plus. Puis là, t'es parti de Valleyfield. T'as tout mangé. T'as mal au cœur. Là, tu dois boire du petit vin de, du vin de vaisselle, là. Non, c'est du café en l'air, du vin, du vin. Je vois, là, tu dois boire quelque chose avec ça, là. T'sais, c'est une petite soirée bingo, là. Mais on boit pas une soirée de bingo, non? Café? Oui. Thé? Oui. Jus? Oui. Vin? Non. Bière? Non. C'est bien emmerdant, c'est emmerdant, ces petites soirées-là. Ben voyons donc, vous, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'alcool que c'est pas intéressant. Ah, ça, vous avez entièrement raison. Mais là, les quatre coins, il faut le faire avec le ski à la crème. Oui, il y en aurait plus de ski à la crème, là. C'est quand même assez incroyable. Heureusement, vous m'avez pas comme chauffeur, monsieur. OK. Alors, donc, là, ici, maintenant, bon, entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Bon, parce que c'est Bukowski, là, la première phrase de Bukowski, extrait de son conte, de son recueil Contes et Nouvelles. Et si c'est le même que la semaine dernière, ben on va le replacer. Il faudrait que j'en fasse d'autres. Là. OK, parfait. Ah, oh, j'aime ça, celui-là. Parce que c'est de l'improvisation, donc je ne sais pas où je m'en vais. Là. Vicky était une fille correcte, mais on avait nos problèmes. Ben oui, on avait nos problèmes tous les soirs, là. Cette belle Vicky-là, elle allait s'exécuter devant beaucoup d'hommes qui n'avaient pas trop de charme, mais qui avaient de l'argent. Excusez-moi, mais placez-moi pas du micro, on a le micro, mais de l'écho. Alors, elle faisait la première partie, parce que c'est elle qui ouvrait la partie de la partouze, avec une chorégraphie de danse exotique. Là. On n'avait pas de budget sur le linge, mais les gens adoraient ça. Ça nous donnait plus de fric. Là. Moins il y avait de linge, plus il y avait d'argent qui rentrait. On s'est dit, quelle belle initiative de pas trop l'habiller, la belle Vicky. Là. Quoi qu'elle avait juste à faire fring, fring, tout était beau. Ève naissait sous les yeux ébouriffés de nos alcooliques présents. Là, ça disait, « Allô, ma belle Vicky, s'il vous plaît, montre-moi qui est la belle Vicky, puis Vicky Schlechtin, feeling que venir. » Là, il y avait des rhétoriques étranges. Comme si Vicky était vaudoune. Elle était doudoune. Ah, man. Plus doudoune que ça, la Vicky, là. Ah. Elle s'excusait toujours. Elle se penchait, elle dit, excusez. Puis là, les hommes avaient, excuse-toi pas, ma belle. Elle qui avait étudié en sociologie à l'université pour légaliser la femme. Oh, mais ça n'était pas légal. Elle voulait que ça soit au même pied. Les hommes, les femmes. Parce qu'on sait que les femmes sont plus élevées que les hommes, là, intellectuellement parlant. Là. Les femmes connaissent toutes les recettes. Savent s'il faut mélanger le linge là, au lavage, le blanc, le rouge, le jaune, le vert. Moi, je suis dessus. Tous mes vêtements roses, je les mets à la même place. Tous mes vêtements rose pâle, rose foncé, rose, jaune pâle, jaune foncé. Mais en même temps, là, ça sort, c'est comme comment t'appelles ça, l'arc-en-ciel. Mais pas dans le ciel, mais dans la laveuse. Puis là, la belle Vicky, là, qui avait quand même un certain charme, même un elle disait rien, puis tout le monde était hypnotisé. Allô, Germaine? T'étais hypnotisé? Ben moi, j'attendais à ce que t'allais continuer l'histoire. Là, tu t'es arrêté comme un espèce de Robocop. Oh. Tu manquais d'huile. Oh, OK. D'oxygène. Ben non, le robot n'a pas besoin d'oxygène. Il a besoin, premièrement, d'un bon changement d'huile. Puis Vicky est là pour faire le changement d'huile. C'est merveilleux, on l'applaudit. Bravo, ma belle. Ensuite, on a besoin de beaucoup d'applications pour mettre les mécanismes fonctionnels et lubrifier. Ben oui, c'est un robot. Voyons donc, robot. Puis, il faut aussi changer la pile du contrôle du robot, c'est-à-dire le manuel, là, comment t'appelles ça? Non, mais moi, j'appellerais ça un GPS robotique. OK, alors le GPS robotique, d'un point A à un point B, point B, point C, point C, point D, puis il faut que ça soit francophone. Puis, vous avez la touche ici, parler, il vous entend pas. Oh mon Dieu, comme mon ancienne femme, où je parlais, elle m'entendait pas, puis elle me parlait, je n'entendais pas, personne ne s'entendait, tout le monde parlait en même temps, c'était merveilleux. Oh, c'était... On a eu trois enfants, on s'aimait. Trois enfants sont nés. Ils ont grandi un petit peu. Après ça, on ne s'aimait plus. On s'est divisé, mais on les a aimés lorsqu'on les a faits. Puis après ça, fini. Chacun dans moi, c'est une fin de semaine sur trois. Puis elle, c'est une fin de semaine sur deux. Puis moi, c'est une semaine sur trois. Puis l'autre, c'est une fin de semaine parce que j'en ai trois. Donc, c'est divisé. Ils se voient, ils se voient pas. À un moment donné, à la période des fêtes, tout le monde est ensemble. La femme, mon ancienne femme, toutes mes femmes, tous ces hommes, toutes ces... Ah, mon, on est 250. C'est la grosse parpelouse. Ben oui, parce qu'il y a une pelouse, hein, puis elle est chauffée. Donc, la neige n'arrive pas à toucher le sol. Ben oui, elle s'estime stimée dès sa descente, parce qu'il y a comme une chaleur. Ben, mon ancienne femme, hey, c'était d'une chaleur incroyable. Ah, oh, c'était loin de la banquise. Ah, oh, tu touchais à ça, ça faisait « pfff ». Tu disais « bonjour, chérie, pfff ». Oh, j'étais fatigué, moi. Ah, 2 ans avec elle, fatigué. J'aurais fait presque le Québec au complet avec elle, moi. Ah, là, à un moment donné, c'est bien beau avoir la mine, mais là, t'as plus le crayon. Puis là, le crayon a plus de mine. La mine est dans le crayon est dans je sais pas quoi. Fait que là, mais heureusement que Vicky est arrivée. Puis moi, ben, j'avais pas une maudite scène, hein. J'étais sous le seuil de l'intelligence. Et là, j'ai vu cet oisillon venu d'ailleurs. Et là, je me suis dit avec elle, ça va fonctionner en stéréo. Et beaucoup d'écho. Avec ou sans béco. Pam, pam, pam, pam, pam, pam. Et là, je dis, Vicky, toi puis moi, c'est pour la vie. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, regarde-moi. Oh mon Dieu, quelle horreur! Tu vas m'aimer. Oh! À mon intelligence. Ah! Et à mon savoir-faire. Et là, cette petite fille-là, qui, ben, cette petite fille, elle avait déjà 19 ans. J'étais dans la légalité la plus véritable. Donc, je me sentais pas cosmonaute, moi, là, ni extraterrestre. J'étais tout à fait terrestre parmi les vôtres et les nôtres et les pôles et les sœurs. Et je me sentais comme trois petits poulets. Ça, c'est le titre de l'improvisation de Charles Bukowski. Trois petits poulets. Trois petits poulets et un Jean Leloup bien cuit. Dans les WC nickelés de son endroit préféré, elle vient juste de rentrer pour poudrer son joli nez sur la plateforme blanche. Seulement elle se penche, retenant ses longs cheveux, peut tomber devant ses yeux. Y'a des filles comme ça, qui ne s'arrêteront pas. Y'a rien à faire, c'est l'enfer, quelle affaire elle exagère. Frémant de cookies, qui aimait trop la couleur rouge ou jaune. Jaune foncé. Ah bon, faut pas mélanger. Ah, ça blanchit. Je suis si bien, si tranquille, dit-elle à Marie-Lucille. De la cochonnerie, dis-moi-le. Heureusement que j'ai des amis, eux au moins ils m'ont compris. Oh, y'a des filles comme ça qui ne s'arrêteront pas. Y'a rien à faire, c'est l'enfer. Y'a rien à faire, elle exagère. Friement de cookies qui aimait trop la couleur rouge et jaune. Oh non, rouge ou jaune. Maman, rouge ou jaune. Oh non, oui, jaune. Dans son joli des petits, serait-ce la poudre de riz qui lui donne ce teint fleuri, blanc comme la porcelaine, froid comme un œil de murène. Et ça n'en finirait plus si elle ne devait rentrer. Elle s'engage dans la rue, une auto de la frapper. Oh, sur le sol, sa tête éclate, mais le sang pisse écarlate. Et bon sang qu'elle s'éclate, et bon sang qu'elle s'éclate. Y'a des filles comme ça qui ne s'arrêteront pas. C'est l'enfer, bien à faire, elle exagère. Friement de cookies, qui aimait trop la couleur. couleur rouge ou jaune. Rouge jaune. Rouge ou jaune. Le jaune, le jaune. Rouge ou jaune. Mais lorsque tu vas pour un spectacle, t'es VIP, donc tu rentres... On n'est pas VIP, okay. On a juste une invitation et un pass photo. On fait les photos pendant les trois premières chansons. Comme chez nous. Ouais, voilà. Ok. Ça, à mon avis, c'est international. Ouais. Et il y a des fois où, si c'est des gros concerts, comme à Bercy ou à Stade de France, on nous met dehors. Après, on peut même pas rester au concert. Oh, c'est terminé. Ouais, terminé. Mais si tu rentres dans l'intimité de la vedette, est-ce que tu peux rester, te placer en arrière de la scène et prendre des photos après ou c'est fini? Non, c'est fini, quoi. Puis c'est super compliqué. C'est de plus en plus compliqué de rencontrer les vedettes. Groupes. Ouais. Et une fois que tu leur as tiré le portrait, ouais. Est-ce qu'ils réclament de travailler avec toi parce que ça a été plus facile, ça a été... Pas spécialement. C'est plutôt les petits groupes qui demandent... Bébé Brune? Non, pas les Bébé okay. Brune, mais des groupes français indépendants comme Radio Sofa. Okay. Moi j'ai des amis, ils sont devenus des amis par la suite d'un groupe, un groupe lyonnais. Ils m'ont contacté par Facebook. Ils n'existent plus malheureusement, ça s'appelait Ravenhill. Ok. Et eux, c'est le chanteur, il m'a contacté par Facebook en me disant « Ouais, je lis Rock'n'Folk, j'adore tes photos, on vient jouer à Paris, est-ce que tu viendrais pas faire des photos pour nous ?» et tout. Et voilà, et c'est resté des super amis depuis. Mais sinon, les grosses stars, non, elles demandent jamais quoi. Jamais. Mais c'est un peu frustrant, non, de ce côté-là? Parce que c'est des gens qui s'en fichent éperdument. Ils font leur boulot de chanteur. Puis, toi, t'es plutôt comme un parasite qui... Bah, c'est un peu ça, mais... c'est frustrant, oui et non. Bah, quand c'est un groupe qui marche vraiment bien et que j'aime vraiment bien, c'est sûr que j'aimerais bien faire des portraits plus que de la scène et tout. Et c'est compliqué, mais... Après, il m'est arrivé quand même, quand je travaillais pour Rock Sand, j'ai eu pas mal de sessions de portraits avec des artistes, et ça, c'est assez sympa, quoi. Ouais, mais du côté français, exemple, Christophe Miossé qui vient, c'est peut-être plus facile, puisque toi, t'es française, lui, il est français, Non? Oui et non, parce qu'après, les artistes français, c'est pareil, ils sont hyper compliqués... Compliqué dans quel sens parce que tu parlais à leur manager. Il faut parler à l'attaché de presse, au manager, après. C'est jamais direct. Non, c'est jamais en direct. En tout cas, pas avec les grosses stars. Mais les grosses stars, c'est Miossec, est-ce qu'il fait partie des grosses stars? Bah, en France, quand même, ouais. Ok. Alors, lui, tu peux jamais passer directement par lui? Non. Mais qu'est-ce qui t'a amené à la photo à l'origine? À l'origine, ben déjà, mon père est photographe, donc ça aide. Mais quelle sorte de photographie faisait ton père? Photographie de sport. Et toi, ça t'a pas intéressé? Le sport, non. Faut que ça sue sous les trois jours. Ouais, voilà. Et en fait, c'est quand je suis arrivée à la fac... À Paris? À Paris, ouais. Ah, t'étais parisienne, toi? Oui, oui. Pure parisienne. Alors ici, tu te sens à ton aise, là? Ouais. C'est chez vous? Ben, un peu. Je suis pas pur produit parisien, j'habitais en banlieue, mais pas très loin de Paris. Ok. Et donc, la première année, quand je suis arrivée en fac, je me suis fait un ami et on était assez branchés sur les mêmes musiques. Donc, du coup. Unul dragă de iubire și de atâta amăgire. Tu ești fericirea mea, inima și viața mea. O lună întreagă te-am iubit și acum te-am părăsit. Ai plecat din viața mea, nu mai pomeni inima grea. Unul întreagă de iubire, fără pic de amăgire. Cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe très bien, merci madame, madame qui? Madame, vous êtes madame, qui madame? Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien, merci. Très très bien. Ça va se passer, ça va bien. C'est un succès, hein, pardon? Alors non, c'est les mots. Les mots, ben les mots, l'émotion, c'est toute la locomotion des sentiments qui s'attirent vers mes larmes et qui me disent que ça va tout à fait bien. Cette semaine, et ça, je suis plus... J'espère, là! Mieux que ça, là, c'est... Ah, c'est un malaise profond. C'est comme une cervicale de mon cervelet qui allô, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous, ça va bien, merci. Est-ce que ça se passe bien? Ben là, ben un peu moins, là, parce qu'on essaie de dire tant de temps, ben qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque, là, pour que les flammes prennent et que la gaieté sans flamme, la gaieté sans flamme. Oh! Femme, défenseur de nous. Femme, on n'est pas. Ah non, on n'est pas voyous, voyons. Femme. Choisis ton endroit, nous on ne s'y connaît. Mais on te fait confiance, ma belle. Confiance. Femme, on est que deux amis. Deux amis, ah ouais, ouais. Femme, qui se paye un samedi. Un vendredi. Femme, fais-nous in the room du frère Youpla. Youpla, boum! Cette semaine, et ce jusqu'à l'épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot « ou » les qui, les femmes. Femme, du soir. Femme, champagne et caviar. Ah, caviar, le caviar. Femme, ce soir c'est férié, on ne va pas regarder à la défense. Femme, fais-nous confetti, Alcazar et tout il quanti. Femme, fais-nous in the room du prospère Youpla, Youpla, bouh. Le mot est double. Ben oui, le mot qui va peut-être s'afficher dans le château symbolique de la francophonie. Alors, on le place, on va sans doute l'exorciser. Ça fait peur. Enlève-moi ça, là. OK, c'est plus important. J'allais dire plus important, c'est plus importance que l'accordéon qui flanche dans l'oreille du sourd, mais avec le double. C'est bien d'avoir des doubles. Double personnalité, double clé. Si t'as pas ta clé, t'as un double. Si t'es pas, tu te sens pas à l'aise, t'as un double qui va prendre ta place. Un personnage. Pas obligé là, de performer constamment. Il suffit d'avoir quelque chose de préparé, comme je le disais tout à l'heure, là, un robot formaté à laisser la place à quelque chose d'assez symbolique et d'excitant. Donc, toi, si, exemple, là, t'es tout à fait épuisé. T'es plus capable. Tu laisses ton double. Salut, chef! Salut, capitaine! Ça, c'est ton double, ça, là. Là. Pas besoin d'être en pleine forme. Les gens ne verront que du feu. Et croyez-moi, la flamèche, ça fonctionne. T'as-tu vu Monte Carlo? Ben oui, j'en charge, j'ai vu monter personne. Femme, femme, femme, fais-nous genre zizi au casino de Paris quand elle danse. Femme, femme, femme, fais-nous langoureux, femme, plus spécial et du larme aux yeux. Femme, femme, femme, fais-nous intero, avec le roupla, roupla, roupla, roupla, roupla, roupla, boum! Ça, c'est une double musicalité. À la fois, là, Serge Lama et Rénal Gagné. Ça, c'est jamais entendu. Dieu merci, hein? Serge, t'as jamais entendu? Non. Parce que je suis sûr qu'il répliquerait. T'entends? Je suis malade. Un serpent sonnette. Ben oui. Même Serge, hein? Si un soir, il monte sur scène, pas capable. Se sent pas en pleine forme. Il va laisser son double prendre la place. Les gens ne verront que du feu. Ce qu'ils veulent, c'est de la variété. C'est de se divertir. C'est de voir un personnage. Pas de voir le vrai homme. Puis même si on tente, on rentre dans quelque chose de singulier, d'humaniste, ça peut être un double. Facile. Faire chanter Ginette Renault, là, je ne suis qu'une chanson, là. Soir, au rythme de mes fantaisies, je vous ai fait partager ma vie. C'est pas une imitation de Ginette, là. Parce que là, je tiens Madame Tremblay. Voyons, là, ça ressemble pas à Ginette. En rêve ou en réalité, je ne suis pas la vérité. Ginette est pas en pleine forme, là. Mais il y a 350 000 personnes qui sont à l'extérieur, sur la scène, pas sur la scène, mais sur le sol, sur le gazon qui broute tout ce qu'elle dit. Voyons, donc, c'est-tu des chèvres? Non, c'est un public. Ça broute un public. Ah, c'est... Ça broute, puis c'est bête. Oh, là, Ticu le mieux voit les gens applaudir. Alors, on applaudit, là, tout le monde applaudit. Parce que l'autre applaudit, tout le monde applaudit. La même chose quand tu cries « Hey! » Là, tout le monde va crier « Hey! » C'est le cerveau. Minimus. Minimus qui se met en fonction. Et tous les autres, là, s'agitent en même temps. Pas besoin, là, d'une compréhension, d'une vision de l'œuvre de Blaise Pascal ou de Sergio Leone ou de Jean-Maurice Cael ou de Sergio Labonné. Sergio! Sergio! Excusez-moi d'avoir touché le micro. Sergio, êtes-vous abonné à Leone? Ben, moi, j'ai cherché Leone. Oui. Et j'ai trouvé l'abonné. L'abonné à Leone. Alors... Ben là, on m'a dit que son nom était personne. Oui. Puis si tu continues dans l'Est, oui. Tu vas le voir parce que son nom est personne. OK. Quoique ça peut être quelque chose, oui. Mais c'est étrange, OK. C'est normalement, là, comment t'appelles ça? Donc du pan-américaine? Non, c'est du panoramique. Oh! Panoramique. Hey, toi, t'es un gars de théâtre. Non, mais c'est. Voyons, panoramique, c'est pas du théâtre, c'est du cinéma, ça. Du théâtre, on l'appelle La Poursuite. Ça, c'est du théâtre. Plan américain, ça, c'est du cinéma. Narrateur Dieu, ça, c'est du cinéma. Puis Serge Lama, ben, c'est Serge Lama. Femme, femme, femme, on est pas peur de loup. Femme, femme, femme, on n'est pas voyou. Femme, femme, femme, choisis ton endroit, nous on ne s'y connaît pas, on fait confiance. Alors, est-ce qu'on place le mot double dans la grande chapeauté, chapeau, chapeau, chapeau? Alors, chapeau le double, on ne sait pas encore, là. Mêle pas les cartes, OK? On va le savoir dans quelques secondes. Donc, on va se concocter une discussion. Alors, concocte. Je concocte. Non, c'est une poule. Je pompoule. Le pompoule. Pompoule la dondule. Je dondule la pompoule. Le double de la pompoule qu'on dondule. Ah, c'est bon, hein? Ah, as-tu senti le double, là? C'est comme un ventre, là, qui aime bien se faire. Ah, c'est des mamelles de bouse. Oh, oh! On touche les mamelles de bouse. Alors, le double des mamelles. Saviez-vous ça, madame? Ben, voyons donc, tu as des doubles des mamelles. Ben oui, les doubles ont des mamelles. Deux mamelles, c'est de blouse. Mamelles de blouse, faut que je te booste. Alors, le double, francophonie, château, royaume, c'est là. Oui! On vient de décider, c'est oui. Ça, là, c'est comme les jurés, là. Il l'a pas tué, il l'a pas tué. C'est un déficient, c'était déficient. Il était jugé, il était jugé. Il est libre, bon. T'étais pas là, toi, là, pendant le procès. Écoute donc, ce qu'eux ont à dire. Eux le savent, eux sont au courant, eux connaissent toutes les coordonnées, toutes les clés et toute la vérité. Quoique, il y a plusieurs vérités, là, mais ils ont une vision, des bons avocats. Et donc, le mot double sera accepté ce soir dans le château symbolique de la royauté francophone. Bravo. Bravo. Bravo. To see me, but you're afraid of what I might have on my mind. One thing you can be sure of, I'll take good care of your love. Tell you the facts of life. Well, there's so much you have to learn, and I would gladly teach you if I could. Bah, plutôt du punk, les vieux groupes punk français, genre Ludwig, les Cadavres, les Shérifs, les Thugs, groupes... Ah, je connais très bien. Voilà. Ouais. Tony Truant était là-dedans à travers ça. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, on a monté une association de photographes, tous les deux, et ça a assez vite, assez bien marché. Et donc, du coup, on faisait des photos... De ces groupes-là. Ouais, de ces groupes-là, on a commencé... On a commencé avec les Cadavres et ça a duré 2 ans notre association et après moi j'ai continué dans la musique donc j'ai commencé à travailler pour des... Mais ça c'est ton petit ami c'est ça? Non c'était okay, un okay. copain de fac, okay, okay. Juste. Ne mélangeons rien. Ne mélangeons rien, oui exactement. Et ouais, donc après j'ai continué de mon côté, j'ai commencé à travailler pour les fanzines comme Kérosène et Vacarme. Et puis après je suis partie 2 ans à Londres pour terminer mes études. Et bah là j'ai dû refaire un peu ce que j'avais fait en France, retrouver des groupes locaux et tout. Donc c'était un peu compliqué, mais ça a quand même un peu marché. Et puis bah quand je suis rentrée en France 2 ans après, bizarrement c'était un creux pour le rock. C'était en 2000, fin 2000-2001, c'était un gros creux pour le rock en France. Donc, mais c'est pas le rock français, c'est le non, rock le rock en général. Mais c'est qu'est-ce qui prédominait? C'est la techno à l'époque? Ouais, la techno, okay. Et ouais. Le drum and bass, R&B, voilà. Et puis, donc du coup, en plus, quand je suis rentrée en France, j'ai travaillé directement pour Corbis. Donc du coup, j'ai un peu laissé tomber la musique, tout ça. Vu que je bossais tous les jours, du matin au soir. Mais bon, ça m'a pas empêché de rester en contact quand même avec quelques journalistes. Et du coup, quand je suis partie de Corbis, mon pote Benoît, qui était journaliste pigiste, il a été embauché pour monter Addict, il m'a appelé et puis voilà, quoi, c'est comme ça que j'ai commencé. Mais l'appareil photo qui traînait chez toi, tu l'as utilisé, c'est très jeune que tu manipulais l'appareil photo? J'ai commencé, j'avais 16-17 ans, mais... Avec un analogique? Analogique? Ouais. OK. En argentique. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout de numérique. Non, Dieu merci. On travaillait vraiment à la profondeur de champ. Oui, voilà, exactement. Est-ce que ça te manque un peu ou si tu l'as, l'appareil à côté de toi pour... Finalement, ça ne me manque pas du tout parce que ça va super plus vite en numérique. Alors, le côté artistique, tu... Mais on peut aussi l'avoir... On peut aussi l'avoir en numérique. Il suffit de savoir utiliser Photoshop. C'est autant... Une fois la... On va attendre. Parce qu'aujourd'hui, la photo... se réussit autant à la prise qu'au montage. C'est-à-dire si c'est manqué ou presque manqué à la prise, on peut récupérer au montage. Ben oui et non, quoi. Je dirais que déjà il faut quand même avoir une bonne prise de vue au départ. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rinaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. C'est Jim Morrison qui a dit ça. Sort de ce corps, mais le trésor. Oui, cet atelier d'improvisation se consacrera aux esprits. Wouh! Aux esprits, aux esprits, aux esprits. Oui, oui, oui, oui, oui. C'est oui, ça, hein? Oui. C'est un oui radical, un oui non négociable. Oh, c'est un vrai oui. C'est un véritable oui. Même madame m'a dit que elle avait entendu, écoutez, il y a un oui-dit l'ourson. Non, c'est oui-dire. Elle a oui-dire. Non, c'est pas elle a oui. Elle a oui-dit. Elle a oui. Elle m'a dit oui. Oh, elle t'a dit oui. J'ai dit non. Ben voyons, non, toi, je suis pas un garçon facile, moi, là. C'est pas parce que elle me dit oui que je dis oui. Ben, depuis quand tu dis non? Ben, depuis que il y a eu un oui-dire, OK, que je disais toujours oui. Oh! Et à ce moment-là, je me suis senti comme opprimé. Oh! Tellement opprimé! Comment? Qu'est-ce que t'as fait? Comme un cheval. Tellement opprimé! Comme un cheval? Non, je me suis pas senti comme le cheval, moi. Ah non, moi, c'est... Moi, c'est comme chantait Jacques Dutronc. Non, mini. OK, c'est pas comme le cheval, non. Moi, c'est comme mini. Mini avia, oui, ta willa, sweetie, radia. Ah, ouais, moi, c'est mini. Alors, il y avait un oui-dire, et non pas d'ourson, là, uniquement les oui-dire, que ça se cachait là. Où ça? Ben, je sais pas, dans les nouveautés, OK, ça se cachait là. Il se cache mille trésors. Oui, cet atelier d'improvisation se consacre. J'allais dire se consacrera, oui, dans quelques minutes, aux esprits. Oui. Nous discuterons. Monsieur, avez-vous vu la... Oui, on a vu. Mais pas à la radio, on voit rien à la radio. Mais quoique, notre public voit tout, là. Il y a CKRL, si on ne voit rien, on n'est pas dans les autres radios, là. On voit tout, on sait tout, on dit tout, on dit tout. Des bidous, ridoudou, ninou. En parlant de bidou, si vous avez de l'argent à donner à CKRL, on est très ouvert là-dessus. Plus on a de l'argent, plus les micros seront fabuleux, surround digital Dolby. Les animateurs seront animateurs et la musique sera sonore. Hey, c'est tabarnouche, sonore, là. On rit plus, là. Plus vous donnez de l'argent, plus votre radio sera sonore. Moins on aura de l'argent, plus notre radio sera... Muté à vous arracher les oreilles. Donc, on veut pas vous les arracher. On veut vous les envelopper, vous les embrasser, vous les amener vers des horizons tout à fait divertissants. Parce que des oreilles, c'est fait pour quoi? Ben, pour entendre. Pour entendre quoi? Des belles choses, oui. Des mauvaises choses aussi, mais pour entendre des trucs de qualité, des sensations... sonore. Oh! Et si on mettrait une housse, les sensations sonores ne c'est pas ça comme ça. Oh! Ce serait plus doux. OK. Comme pas des... Là, c'est comme on se sent cracheté dans l'oreille. Oh, c'est vrai, ça? Ah, ben oui, madame Tremblay. Ah, ben oui, j'ai pas voulu le dire, mais... Je me mets continuellement des watts lorsque j'écoute Terence Rénadienne. Pourquoi? Parce que comme il n'y a pas beaucoup de watts dans ce cerveau-là, oui. OK. Dans le sens que veilleuse, OK. Il veille au grain. Oh. Je le dirai pas. Il veille au grain et à sa sensation. OK. À sa sensation sonore. OK, la sensation sonore. La sensation sonore se veut maintenant. OK. Et puis là, ben, on va appeler l'esprit. OK. Là, ça va bien? OK. J'aime pas ça quand tu dis OK, c'est pas normal. OK. C'est comme quelqu'un qui t'arrive à l'hôpital avec un bras arraché dans une cuve à glace. Là, tu demandes au patient, là, ça va bien? Le patient, fait que toi, tu dis, OK, couchez-vous. Ça va-tu faire mal? Non, OK. Respirez. Aïe, ça fait mal! Mais non, OK. Prenez une grande respiration. À chaque OK, là. J'ai un OK intellectuel. OK, arrête, ça fait mal! Alors, se consacrera aux esprits, oui. Nous discuterons avec une personnalité morte aujourd'hui, entrons en communication avec... Je sais pas, je le regarde, j'ose pas le lire, là. Moi, les esprits, là, ça me rend comme la mortadelle. La mortadelle, là, oui, tu connais la mortadelle, oui? Alors, je me sens comme elle, OK. Alors, Claude Blanchard, mon ami Claude Blanchard, je suis heureux de lui parler, là. C'est Claude Blanchard ce soir à Irance Rénaldienne. Il est 1h30. 1h34 du matin. L'homme qui a fait vivre tout le Québec aux petites heures. Avec son humour graveleux. Ses chansons, parce qu'il a repris des trucs français, là, comme « Que reste-t-il de nos amours? »« Que reste-t-il de nos amours? » Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux? Des mots d'avril, des rendez-vous. Qu'une photo, vieille photo. Merci. De ma jeunesse. Pam, pam, pam. Alors, Claude Blanchard, on va parler à Claude Blanchard. Hey, le bar n'est pas fermé. OK, merci, mon Claude. Est-ce que ça va bien, mon cher? Hey, le bar n'est pas fermé. Comment? Attendez, là, les gens comprennent pas. Le bar n'est pas fermé. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par bar? Le bar, c'est ça. Le bar n'est pas fermé. Parce que souvent, le Claude Blanchard, qui est un humoriste québécois, nous arrivait avec ça, là, des blagues, puis il disait, « Oh, le bar est fermé à 3 heures du matin. » Parce qu'au Québec, les bars ferment à 3 heures. 3 heures du matin, là, pas 15 heures de l'après-midi. Là. Claude, ça va bien? Le bar n'est pas fermé. Ah, ben je suis bien content, mon Claude. Hey Claude! Là, je suis très heureux de t'avoir à Errance Renaudienne parce que c'est la première fois que j'ai pu t'accrocher. Avant ça, ça n'existait pas, là, avant ta mort. Comment ça va? Le bar n'est pas fermé. OK. Je suis très heureux de savoir ça. Alors, s'il est ouvert, peux-tu nous amener un peu de connaissance de là-haut. Parce qu'on connaît pas ça, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe en haut, là? Est-ce que c'est magnifique? Oui. OK. Les gens là-haut, là, organisez-vous des spectacles. Toi, fais-tu l'animateur comme ici en bas à l'époque, là? Oui. Ah oui? OK. Les gens rigolent autant? Oui. Attends un peu, là. Les gens rigolent autant, là? Oui. OK. OK. Puis, le soir, est-ce qu'il y a des soirs, là, au ciel, ou si c'est tout le temps le jour, ou... Allô? Tu gères-tu ton 3 heures, toi, moi? OK. Alors là, tu te sens heureux, là-bas, là? Plus qu'ici? Ah, ouais, OK. Mais, Gilles Latulippe n'est pas encore là, qui est un humoriste québécois. Il est toujours vivant, hein, il me semble? OK. Merci, j'espère, là. Ça me gênerait de l'amener dans la mortalité lorsqu'il est encore vivant. Puis Charles Trenet, faites-vous des duos qui restent-ils de vos amours avec, je sais pas, là, Claude Blanchard et Charles Trenet? Les gens, alors, mais les gens doivent applaudir. Là. C'est le succès. Là. Tu te sens comme à l'époque des cabarets avec... attends un petit peu, on va lire un peu l'intro. Là. Claude Blanchard est né en 1932 à Joliette, au Québec. Décédé le 20 août 2006. Est-ce que c'est vraiment ça au mois d'août? 2006. 2007? 2006, hein? OK. À Montréal? OK. Alors, tu étais un acteur, tu as toujours été un acteur et un chanteur québécois. Tu as connu une longue et fructueuse carrière au théâtre, à la télévision et au cinéma. Celle-ci s'est étendue sur 60 ans. Claude, je viens d'apprendre quelque chose. Tu as des origines autochtones. Tu nous l'as jamais dit, ça? T'es un cachetier? Ah, c'est merveilleux. Mais ça, j'aime ça t'entendre de nous... OK. J'aime ça nous... que l'on apprenne quelque chose sur toi, là. Claude Blanchard s'est intéressé dès son adolescence au milieu de la radio et du théâtre. Est-ce que c'est vrai? Le bar n'est pas fermé. OK, le bar n'est pas fermé, oui. À l'âge de 14 ans, tu as donné des spectacles de variété avec ta sœur Claudette, c'est vrai? Oui. OK. Et puis... Oui, je te le dis. Mais c'est vrai avec ta sœur Claudette? Oui, je te le dis. OK. Alors, tu as débuté en 1947, c'est bien ça? Oui, je te le dis. Non, mais là, c'est moi qui te dis. Un duo de danseuses sous le nom... Hein, ah ouais. Tu as fait un duo de danseurs et de toi, tu dansais, puis ta sœur aussi, sous le nom de Lucky Boys et de Marcel Miron. OK. C'est le Théâtre national qui débute ta carrière. Très rapidement, le duo a participé à des trucs burlesques à travers la troupe de Jean Grimaldi, c'est vrai? Oui, je te le dis. OK. Alors, au cours de ta carrière, ben là, il y a eu Jean Grimaldi, qui est une grande connaissance, d'Amanda Cyr, ex-épouse du fantaisiste Réal Bellan, Tigus, hein, qui composa Tigus et Timos. Bon, OK. C'est le début du duo Claude et Armande. Quand je pense à Armande, je pense. Quand je pense à Félicie, je pense aussi. Quand je pense à Pénélope, mon Dieu, je pense encore. Quand je pense à Lulu, là, je ne pense plus. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. Salut, Claude! Telegram Sam, you, you're my main man. Golden old Slim, I know where you've been. Mistake about Jungle Face Jake. C'est flou, mal cadré. Mal cadré avec Photoshop, tu peux recadrer? Oui, on peut recadrer, mais si c'est vraiment mal cadré, tu peux rien faire. Hein. Okay, faut ben, pas. Ben, ben, ok, mal cadré, là, c'est. Ouais, ouais, voilà, okay, quoi. Il n'y okay, a pas de miracle, non. Quand même, non mais plus. Mais quoi que ça peut donner un certain effet. Oui, ça peut donner un certain effet. Donc, mal cadré, ça se rattrape à peu près. Ok. Mais, le flou, non. Le flou, non. Le flou, c'est. C'est fini. C'est fini. Et je sais plus ce que je disais. Oui, donc après, ce qu'il va faire sur une photo, ce qui va faire la différence avec Photoshop, c'est que par exemple, souvent en concert, on a des lumières pourries. Et donc, pourries, ouais, quoi. C'est mal éclairé, on n'a pas beaucoup de lumière. Mais c'est est-ce que c'est l'endroit où tu trouves que ça fait une lumière pourrie ou parce que le spectacle n'a pas de budget, donc c'est les lumières. Bah, parce que c'est le groupe qui a décidé de jouer dans le noir. Ah, ok. Il y a ça ou. Ou alors c'est une petite salle de concert, il n'y a pas beaucoup de lumière. Okay, okay. C'est volontaire. Quoi. Mais c'est souvent volontaire et c'est plutôt de la part des groupes. Okay. Et du coup, ben, avec Photoshop, on peut rééclairer. Tu peux rééclairer, tu peux changer complètement la couleur. Si tu as un orange tout pourri, tu peux le changer en bleu, faire un truc mieux, tu peux passer tes photos en noir et blanc et voilà quoi. Alors pour toi, c'est beaucoup plus intéressant avec Photoshop qu'analogique. Oui, rien que pour ça, oui. Après, c'est sûr qu'en termes de qualité, moi quand j'étais en argentique, je faisais surtout du noir et blanc et il y avait un grain fabuleux sur les photos. Et ça, c'est sûr, c'est ce qu'on n'a pas du tout en numérique. Tu peux le trafiquer dans Photoshop, mais ça rendra jamais aussi bien qu'un bon vieux grain de T-Max à 3200 ISO. Gonflé, hein. Ouais, voilà, quoi. Donc ça, oui, ça, on l'aura jamais. Mais après, en termes de gain de temps, le numérique, c'est fabuleux. Et aussi en termes de coût, parce que même si l'investissement du départ est assez élevé, après, il n'y a plus les frais de développement, plus de frais de pellicule. Tu as un concert, tu as trois chansons, tu shootes 500 photos. Et, ça m'arrive, c'est vrai. gros groupes, c'est en rap. 3 chansons, 500 photos. Ça peut arriver, ouais. Tu laisses le doigt coller. Ouais, voilà, okay. c'est en rafale, quoi. OK. Et donc voilà, quoi, ça... Un appareil là, professionnel, c'est quoi, 12 000 euros? Non, ça c'est un Leica à ce prix-là. OK. J'ai pas ça. OK. Non, j'ai en boîtier, j'ai un des Mark III de Canon. OK. Et à l'époque, je l'ai quand même payé 4 000 euros. OK. C'est quand même accessible. Oui, c'est assez accessible, mais c'est pour ça que tout le monde peut être photographe aujourd'hui. C'est le zoom. Oui, après le zoom, c'est... Ouais, c'est ça fonctionne avec quoi? Avec zoom ou une focale? Est-ce que c'est... Moi, j'ai que des zooms. J'ai un 17-35, ça c'est grand angle, okay, ouais. Normal. Ouais. J'ai un 24-70 ouais. Et un 70-200. Est-ce que tu utilises... Moi, je prends juste le 70-200. Ouais. Utilises-tu souvent le 70-200 spectacle? Oui. OK, c'est le plus... C'est pour les grosses scènes, c'est ce qu'il y a de plus pratique. OK. Après, pas souvent, mais quand je suis... C'est surtout quand c'est dans stade, les concerts en genre Stade de France, où on est relayé, ou à Bercy, on est relayé à la console, là, il faut un 400. Sunshine. si je vous ai bien compris. Si je vous ai bien compris, sinon c'est pas fini. J'ai déjà pensé que c'était terminé. Hey, ça finit pas comme ça. Ben oui. Mais là, il faut dire bonsoir. Non, après la chanson. Mais pourquoi tu voulu... Non, j'ai pas voulu. Seine Hände liegen im Schoß. Zweites Geschoss. Rolle für Rolle rauf, also tapeziert in den Gängen stehen Mieter herum. Betrachten die Wände aufmerksam. Suchen darauf Bahn um Bahn nach Druck und Rechtschreibfehlern. Könnten nicht mal ihren Namen ziffern. Auf ins nächste Geschoss. Welches und wunder nie fertiggestellt, nur über die Treppe erreicht werden kann. Hier lagern Irrtümer, die gehören der Firma, damit kacheln sie die Böden an, die da kann. Viertes Geschoss. Hier lädt der Architekt, der geht auf in seinem Plan, dieses Gebäude schmeckt voller Liebe. Placé ou si vous êtes dans, vraiment dans, dans le trou, vous avez de la difficulté à voir le chanteur ou la chanteuse? Généralement, on est quand même bien placé. Et même quand on est à la console, on est surélevé par rapport au public, donc il n'y a pas de problème. Êtes-vous bien traité, les photographes, ou vous êtes le parent pauvre de... Ça dépend des attachés de presse. Exemple Prince, je crois que tu n'étais pas à Prince. Ouais, parce que, non, mais sinon, Prince, j'ai vu ta réaction, vas-y. Oui. Vas-y. Prince, c'était... j'ai trouvé ça complètement dégueulasse de la part de l'attaché de presse. Parce que je lui ai envoyé un email 2 semaines avant, elle m'a répondu... Tu le connaissais? Tu non, la connaissais? Non, je ne la connaissais pas. Elle m'a répondu, pour le moment, aucun photographe accrédité, si ça change, je te tiens au courant. Elle me tient au courant, J'avais bien mis dans mon mail que j'allais pas photographier Prince pour Rock and Folk, vu que je savais qu'il y avait un autre photographe déjà d'accrédité. Et elle me répond, ok, rendez-vous à telle heure, à tel endroit et tout. Et je suis arrivée et j'avais pas mon passe photo. Et je dis, bon, ça arrive, c'est pas grave. Son assistante qui nous accueillait me dit, mais appelle-la, on sait jamais. Et je l'ai appelée et là, elle m'a parlé comme à du poisson pourri, quoi, en me disant, non, mais j'ai d'autres choses plus importantes à gérer, au revoir. Elle m'a raccroché au nez, vraiment, quoi. Et du coup, son assistante avait un passe photo en plus, qui était non nominatif, il n'y avait pas de nom de photographe dessus. Okay. Elle me dit, mais tu veux pas la rappeler? Je lui dis, écoute, elle vient de me raccrocher au nez, non, je la rappelle pas. Je lui dis, si toi, tu peux la rappeler, je veux bien, mais sinon, tant pis, quoi. Et elle l'a rappelé, elle a parlementé 5-10 minutes avec elle au téléphone, pour au final, que ce soit non, quoi. Et ça, j'ai franchement trouvé ça un peu dégueulasse, quoi. Surtout dans la mesure où il y avait un passe photo en rap, ça lui coûtait rien de dire oui, quoi. Alors c'était salaud. Ouais, complètement. Et du coup, je lui ai envoyé un email, voilà. Mm-hmm. Mais elle m'a pas répondu, donc j'en saurai pas plus. Est-ce que ça arrive souvent, ce genre d'événement-là? Non, ça arrive pas souvent. C'est la première? C'est pas la première fois, mais ça m'est pas arrivé souvent. À qui? Je me souviens plus. Okay, mais parce que c'était au tout début, quand j'ai commencé, que les gens ne connaissaient pas. C'est arrivé que même pour Rock Sand ou Rock and Folk, on arrive à faire ah ben non, finalement il n'y a pas de passe auto, mais ça arrive vraiment pas souvent. Et généralement, quand c'est le cas, c'est la stagiaire qui a mal fait son boulot, quoi. Ouais, mais si tu travaillais pas pour Rock and Folk, l'intérêt était peut-être un peu moins. Oui, aussi, ça, clairement. Tu voulais faire ça à titre personnel? Tu voulais prendre des photos à titre personnel? Okay. Ça m'arrive. Ok. Parce que parce qu'il y a des fois, déjà Rock and Folk, j'ai pas le monopole. Faut pas. Dans quel sens, c'est pas le monopole? On est plusieurs photographes et puis il faut bien que tout le monde travaille, quoi. Donc, vous êtes combien? On est 4 photographes. Oh. Pour couvrir la musique, c'est quand même. Ouais, voilà. Est-ce que tu voyages souvent? Non, pas trop en fait. Tu veux pas ou. C'est pas que je veux pas, c'est que les maisons de disques n'ont plus de budget pour les voyages de presse. Oh, ok. Donc, il y en a de moins en moins. Okay. En fait, je suis pas arrivée à la bonne période. Je suis arrivée, les voyages de presse étaient déjà assez limités. Donc, j'en ai quand même fait quelques-uns, dont un très beau au Brésil pour Iron Maiden. Et c'était vraiment génial. Et sinon, je suis allée... Avais-tu ce droit-là de te retrouver avec le groupe? Ou... Oui, okay. oui, tout à fait. Et c'est là l'intérêt du voyage. Ouais, ça, c'était vraiment un super voyage, super bien organisé par EMI. Vraiment, c'était génial. So come out, you come out, we'll go where we all belong to. I'll find another life, not a lot, anywhere we're about to love you. So come out, you come out, we'll go where we all belong.